Je cherche une petite amie pour Noël, pour Noël, pour oublier cette nuit de Noël. À Noël, je ne veux pas recommencer mon ennui de l'an dernier. Je veux boire, rire et chanter, tout comme si c'était l'été. Je veux des cloches et des bougies et du champagne et du whisky. Mais je veux surtout partir, une gentille petite amie. Je cherche une petite amie pour Noël, pour Noël. Elle ne tombera pas du ciel pour Noël. À Noël, je devrais faire un effort et surmonter ma paresse. J'ai peur du premier abord, mais je suis doué pour les caresses. Et si elle tombait du ciel, c'est complètement différent. Je ferai le pont avec elle, de Noël au jour de l'an. Je cherche une petite amie pour Noël, pour Noël. Qu'elle soit riche ou sans le sou, mais qu'elle soit belle. Pour Noël, c'est pas tellement pour causer, c'est surtout pour rigoler. Et tant mieux si d'aventure, elle aime bien la nature. Et si le vieux Père Noël descend par la cheminée, je lui dirai qu'elle est très belle et qu'il faut me la laisser. Je cherche une petite amie pour Noël, pour Noël. Je me fais des illusions pour Noël, pour Noël. Elles sont réservées d'avance par des garçons déniaisés, pour la messe et pour la danse, pour les huîtres et les baisers. C'est bien fait pour mon orgueil, je me mettais le doigt dans l'œil en pensant que moi, pauvre fou, j'avais aussi quelques atouts. Mais l'an prochain, je tenterai ma chance. Et là, je m'y prendrai d'avance. Je cherche une petite amie pour Noël.